Avec nous. Non pas, nous restons. Et toi, Carmen, tu ne viens pas. Écoute, le mot dit au bas, tu m'en veux. Vous en vouloir, pourquoi? Ce soldat, l'autre jour, emprisonné pour toi. Qu'a-t-on fait de ce malheureux? Maintenant, il est libre. Il est libre, tant mieux. Bonsoir, monsieur, nos amoureux. Bonsoir, monsieur, nos amoureux. Promenade en flambeau, c'est le vainqueur des courses de grenades. Venez-vous avec nous voir, mon camarade, à vos succès anciens, à vos succès nouveaux. Frappez-vous le ventre, Seigneur, Seigneur, car avec mes soldats, il est un héros que de s'entendre. Pour plaisir, ils font les combats. Le cirque est plein, ces jours de fête, le cirque est plein du haut en bas. Les spectateurs perdant la tête, les spectateurs s'interpellent en flagrant. Apostrophe, lisez ta page, poussez jusque à la fureur. Car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Allons, regarde, allons, allons. Garde, toréador, toréador. Y songe bien, oui, songe en combattant. Un œil noir te regarde, dit que l'amour t'attend. Toréador, l'amour, l'amour t'attend. On fait silence, ah que se passe-t-il? Une crise et la sang, une crise et la sang, le taureau s'élance en bondissant hors du toril. Il s'élance, il entre, il frappe, un cheval roule, entraînant un picador. Ah bravo taureau, double la foule, le taureau va, il vient, frappant en secouant ses bandes rivières, plein de fureur il court, le cirque est plein de sang. En se sauvant franchit les grilles, c'est ton tour maintenant. Allons, en garde, allons, allons. Toréador, en garde, toréador, toréador. Y songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde et que l'amour t'attend. Toréador, l'amour, l'amour t'attend. Cette réponse n'est pas tendre. je me contenterai d'espérer et d'attendre. Il est permis d'attendre, il est doux d'espérer. Puisque tu ne viens pas, Carmen, je reviendrai. Et vous serez grand homme. Bon, je me risquerai. Ce n'est pas un ton vers du haut. Absolument. Il faut que tu te lèves. qu'attends-tu? Presque rien, on s'en va, il autre jour, et pour me rendre service, ça fait mettre en prison. Le fait est délicat. Il se peut qu'après tout, ton soldat réfléchisse. Es-tu bien sûr qu'il viendra? Écoutez. Les voilà. Serait pour nous un fier compagnon. Dis-lui de nous suivre, il refusera. Mais si au moins. Soit, on essaiera. Alta, qui va, la grande Alcala.